Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On va se marrer avec nos deux équipes. Comme chaque semaine, à ma droite, les érections matinales ne sont qu'un lointain souvenir pour Bob du club. Il a changé son laïus. Bonsoir les filles. Il a enfin changé son laïus. Quand on lui parle d'érection, il part tout de suite au bureau de vote pour mettre son petit bulletin dans l'urne. C'est Maurice. Bonjour à tous. De toute façon, c'est la seule chose qu'il peut encore mettre dans l'urne. Oh, ne cherche pas. Non, et soyez pas méchant avec Maurice, parce que justement, la semaine dernière, on a été chez Rock Éclair lui choisir une belle urne. Oui. Il me dit, me cherche pas, j'ai pas besoin de te chercher, vu la taille de ton pute en face de moi, je te vois. Alors, face à eux, un permanent de l'équipe aussi, dont on attend le grand retour. Mais je peux déjà vous l'annoncer. Ouais, ça sera bientôt. Ils sont en train de consolider la scène. Voilà, hey, d'ici là, une semaine, je vous annonce l'adresse de mon site internet. Oui. De toute beauté, vous verrez. Ah, très bien. Donc c'est Frédéric Costel. Oui. Bravo. L'émission sera réalisée comme chaque semaine par Davy. Ah. Et animé par Philippe Bello. Oh bah écoutez, ça va être une bonne émission. On s'en excuse d'avance. Oh merde. Alors, cher Frédéric. Oui. Comme chaque semaine, oui, bah, un invité. Et c'est maintenant un habitué. C'est la deuxième fois qu'il vient nous voir. Il fait aujourd'hui la connaissance de Bob, parce que la dernière fois qu'il était venu, Bob n'était pas là. C'est Jean-Paul Dys. Ah, oui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Jean-Paul. Ah bah oui, alors, t'as pas eu peur la fois précédente? Bah écoute, il m'a fallu quand même un an à peu près avant de revenir. Et... Hey. T'as fait tout un travail de psychothérapie et tout ça. J'ai bossé sur moi, ça tu vois Maurice, après il faut un an à peu près tu vois, pour bosser. Il commence à être gentil quand même. Hein. Oui, parce qu'il est venu la dernière fois et le lendemain, oui. Il était sur scène, il a commencé à foirer ses sketchs. Et voilà. C'est contagieux. Eh oui. Alors Jean-Paul, tu viens nous voir pour le spectacle qui est toujours le même spectacle. C'est le même spectacle, oui. Jeu de mots, mm-hmm. Mais alors maintenant il y a marqué en 3D. Oui, parce que c'est un spectacle en 3D. Seul spectacle en 3D de Paris. Allons bon. Parce que t'as grossi ou quoi? Non, alors ça va. À l'entrée, je distribue des lunettes 3D aux spectateurs. Ah, oui. Super. Bon, ah oui, elles sont là. Là, les auditeurs peuvent pas voir, mais je suis en 2D, je ressemble à rien. Oui. En 3D, je suis beaucoup plus grand, je suis beaucoup plus jeune, je suis beaucoup plus beau. Ça n'a rien à voir. C'est un concept. C'est un concept. Donc le seul spectacle en 3D à Paris, c'est celui de Jean-Paul Dys. Voilà, il y a un moment dans le spectacle, il y a quelques gags et effectivement en 3D. Voilà, des jeux de mots en 3D. J'essaie les lunettes pour voir Bob. Ah oui. Il est plus jeune, hein. Effectivement, on dirait un tricératops. Alors ce spectacle, il se joue où, Maurice? Alors ce spectacle. Oh non, pas de départ. Ma promo, Maurice, ma promo, s'il te plaît. Alors ce spectacle se joue au théâtre Le Bout, 6 rue Frochot, dans le 9e arrondissement à Paris. Et c'est métro Pigalle. Ah. Et c'est tous les vendredis à 19h. Donc n'hésite pas Jean-Paul à faire des réclamations si la promo est mal faite, hein, parce que quelquefois non mais là c'est bien là, fait. C'était bien, il a bien articulé et tout, c'était très bien. Mais c'était bien. Alors pour ceux qui étaient pas là donc quand t'es passé chez nous la dernière fois, donc il y a maintenant un peu plus d'un an, rappelle-nous un petit peu de quoi parle ce spectacle. Bah en fait le fil rouge du spectacle ce sont des jeux de mots. Moi j'adore les jeux de mots, j'adore les calembours, tout ça, le travail avec la langue française. Donc après j'aborde plein de sujets, je parle de développement personnel, de ma visite dans un salon de massage thaïlandais très sympathique, de mes débuts au café théâtre. C'est très intéressant. Aussi, le spectateur participe au spectacle, trouve des jeux de mots et on joue avec les mots pendant une heure. Il y a un slam, il y a un rap. Le prétexte, ce sont avant tout les jeux de mots. Voilà. Oui, alors justement, on le voit d'ailleurs sur ton flyer, il y a François-Olivier Gisbert. Oh là là, Maurice, dis le nom. C'est François-Olivier Gisbert. Voilà. Non, pas Gisbert. Qui t'a même comparé à Raymond DeVos. Ah, c'est un beau compliment. Ça, c'est un beau compliment. C'était un beau compliment. C'était tes fans, j'imagine, de Raymond DeVos. Moi, je suis client. Hein, je suis client, effectivement, de ce qu'a fait Raymond DeVos. Alors, je n'ai pas la prétention de comparer à Raymond DeVos. Hein, mais il y a, paraît-il, effectivement, quelque chose qui ressemble. Alors, on pourrait s'approcher. Je vais te dire, Jean-Paul, il y a une grande différence pour moi entre Raymond DeVos et toi. Ah. C'est que toi, tu me fais rire. Oh, quel enfoiré! Non, mais il est dégueulasse, hein. Raymond DeVos était très drôle. Voilà. Oui. Écoute, si tu le dis. T'as t'aimé pas Jean-Paul Dys, c'est aussi. Raymond DeVos, enfin, lui, non, moi, j'aime pas. Enfin, lui, j'aime bien. Enfin, ses sketchs, j'aime bien. C'était très bien écrit, etc. Mais lui, me fait pas rire. Moi, j'ai le droit. Oui. Alors, rappelle-nous, donc, les films que tu as été voir récemment. Récemment, je suis allé voir La Vérité si je mens 3. Merci, donc c'était Frédéric Coster. Voilà, vous avez compris l'humour qui lui plaît à Frédéric. Eh, yeah, va manger ton slip, toi, tiens, allez. Donc, des jeux de mots. Des jeux de mots, et pas mal de sujets, sujets d'actualité. Je fais aussi une revue de presse. Donc, je commente l'actualité de la semaine avec le journal Le Monde. Tout ah oui, ça, donc ça c'est nouveau, tout ça c'est nouveau. Ça, c'est en nouveau fait, ça. Par rapport à l'année dernière, le spectacle a beaucoup évolué, hein, parce que le spectacle c'est un spectacle vivant, donc ça bouge. Et il y a aussi une revue de presse très sympa. Et je commande tout ce qui se passe et actuellement, il y a plein de choses quand même. Ah bah ça j'imagine, là t'as de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc il y a de quoi faire. Bon bah alors tu vas voir que l'émission elle a changé un petit peu aussi depuis que t'es venu. Il y a des nouveautés, il y a toujours des blagues envoyées par les auditeurs à Maurice, bien sûr. Il y a, je sais pas s'il y avait déjà le jeu de la photo mystère quand tu étais venu, non? Non. Ah non, donc il y a le jeu de la photo mystère aussi. C'est très radiophonique ça. Oui, oui, mais ça marche. Tu verras que c'est très radiophonique. Donc il y a plein de choses. Il y a des jeux, il y a des questions, il y a des épreuves. Mais c'est toujours une épreuve. Et la première épreuve, c'est le baptême de l'équipe adverse. Car oui, chers amis, vous formez deux équipes. Et pour que nos auditeurs puissent suivre au fur et à mesure de l'émission ce qui se passe, puissent noter les points pour vérifier qu'il n'y a aucune tricherie, nous sommes obligés de baptiser les deux équipes et Merci, de trouver un nom. Pierre. Trouver un nom donc pour l'équipe de Bob et Maurice. Alors, compte tenu de la température extérieure, je pensais au congelé. Ah oui. en deux mots. C'est à vous. Moi, j'avais trouvé un truc plus simple, mais là, il faut que je trouve quelque chose de... Alors, les congelés... J'avais trouvé 10 minutes, parce qu'ils ne vont pas tenir plus longtemps. Non, c'est d'après ta femme, c'est toi qui ne tiens pas plus longtemps que toi. Non. Alors là, non. Alors là, non, pas du tout. Car j'ai essayé le Viagra. Oui. Ah. Oui. On voit le résultat. Oui. Eh bien, j'ai tenu 4h10. Ah ouais. Et Fanfan trouve que c'est pas terrible pour 10 minutes de plus. Ah ouais, d'accord. Non, mais dis-le, t'as essayé le Viagra, il y a que tes cheveux qui se sont dressés. Bon, alors qu'est-ce que tu nous proposes, Bob, comme nom pour l'équipe 10 minutes. Voilà. L'équipe des 10 minutes. 10, évidemment, 10, pour Jean-Paul. Oui, voilà. Et minutes pour l'autre cétacé qui est en face de moi. Oui, ça commence fort. Mais tu sais que le film Ma main dans ta gueule 2 va sortir bientôt si oui, tu continues. Je sais. Donc il voici. Il a pas peur. Pour le premier point, la première question. Ah. Oui, alors Jean-Paul, t'étais pas venu la dernière fois, mais faut te préciser que Bob est très mauvais joueur. Oui, c'est pas vrai. Oui. On verra. Ce jeu est truqué, mais je suis pas mauvais joueur. Alors Bob, prépare-toi à répondre vite quand même. Oui. Hein. Durant la représentation de quelle pièce de théâtre Molière a-t-il agonisé en Le malade imaginaire. Bonne réponse de Frédéric, qui n'a aucun problème de prononciation. Alors, tu m'énerves, c'est tout. Un premier point pour l'équipe des 10 minutes. Tu savonnes, qu'est-ce que je te dis? Moi, je propose pour commencer la soirée d'avoir un premier mail envoyé dans la boîte e-miel de Maurice. Alors, rappelle-nous ta boîte e-miel, Maurice. C'est radio OVSM à radio.ovsm@gmail.com. Voilà, pour envoyer vos blagues à Maurice. Alors, qui t'a envoyé une blague? Si ça revient pas comme destinataire inconnu avec ça. Qui t'a envoyé une blague? C'est Léonie de Toulouse. Ah, alors, par contre, raconte-la quand même à Jean-Paul. Hein. Oui. Mon cher Jean-Paul. Alors, voilà. C'est important. Ça démarre bien. Là, elle est bien, là. Mon cher Jean-Paul, qu'est-ce qui est vert qui va sous l'eau avec les abeilles dedans? Ah. Alors là, généralement, il faut dire à Maurice, je ne sais pas. Voilà. Un chou marin russe. Non. Auvergnat. Je suis pas auvergnat. Attends, redis chou ta marin. Phrase. Un chou. Non, redis là, qu'est-ce qui la est quoi? Alors, qu'est-ce qui est vert qui va sous l'eau avec des abeilles dedans? D'accord, oui. Ça y est. Ok, je l'ai, vas-y. Un chou marin russe. Non. Parce que les abeilles, elles habitent dans une ruche. Une ruche. Oui. Donc, allez, alors, vas-y, recommence. Allez. Un sous-marin russe. Allez, fais-la d'un coup. Mon cher Jean-Paul, etc. Vas-y, allez, hop. Allez, Maurice. Alors, qu'est-ce que de Léon de Toulouse, mon cher Jean-Paul. Oui. Qu'est-ce qui est vert qui va sous l'eau et avec des abeilles dedans? Je ne sais pas, Maurice. Un sous-marin russe. Elle est passée, hein. Moi, je vais défendre Maurice. Oui. Vous êtes pas gentil avec non. lui. Non. Ah, j'avais compris, je vais descendre Maurice. Là, j'étais d'accord. Alors, on va vérifier si, Jean-Paul, tu es capable de faire mieux que Maurice. Car juste après cette courte pause, c'est la première tournée de blagues. Ah! Reste avec nous. On revient avec Jean-Paul 10. Ouais. Retour d'On va se marrer avec Jean-Paul Dis. Oui. Alors, quand même, pour donner un peu envie à nos auditeurs d'aller voir ton spectacle, moi j'aime bien, enfin, le flyer est super bien fait parce que du coup, t'as des phrases qui sont vraiment choc. Du style, les vieux qu'on appelle seniors vont-ils mourir espagnols? Par exemple. Non, mais attends. Bah oui. Oui, mais, oui, pourquoi pas. Bah, oui. Le docteur House est-il un homme d'intérieur? Bah, oui. On peut se le demander. Voilà. Mais on se demande, honnêtement, on se demande où tu vas chercher tout ça. Hein. Bah écoute, moi j'aime les mots. Donc dès qu'il y a un mot qui m'amuse, je construis un sketch toujours autour des mots. Par exemple, j'ai un sketch sur les portes parce qu'un jour je vois une porte, c'est marqué porte condamnée. Je me dis qu'est-ce qu'elle a fait cette porte pour être condamnée? Je raconte une histoire là-dessus. Voilà. Donc moi, ce sont les mots qui m'amusent. C'est ça. Ouais. Et un sketch part sur un mot qui est rigolo. Voilà. Et, est-ce que tu acceptes des amis sur Facebook? Oui, j'accepte des amis sur Facebook. Alors. Demandez Jean-Paul Dis comme ami sur Facebook et tous les jours vous aurez une petite maxime, parce que moi ça me fait tous les jours, c'est mon petit sourire du matin quand je vois les bêtises qu'il met sur Facebook, Jean-Paul. Et c'était alors t'avais mis un truc, c'est sur le saint du jour en général, sur je fais le saint du jour tous les jours, je commente en jeu de mots le saint du jour, je contacte ouais, aussi rappelle-moi avec Eugénie ce que c'était. Ouh là là, alors avec Eugénie c'était Eugénie, à la Sainte Eugénie. À la Sainte Eugénie, n'hésite pas à commenter le talent ou quelque chose comme ça. Ne doute pas du talent. Ne doute pas du talent. Eugénie, ne doute pas du talent. Voilà. Ah oui. Oh, ouais, attends. Ah non, mais attends, c'est recherché. Quelquefois, c'est capillotracté quand même. Ouh là là. Oui, mais c'est drôle. Voilà. Les blagues de Maurice à côté, c'est. Donc tous les jours, c'est il y a la Pléiade. Voilà. Non, c'est la plaie tout court. Bon, alors, ah oui, alors le Facebook de Jean-Paul, bah, c'est j'imagine, c'est Jean-Paul Dis. Jean-Paul Dis, voilà, Jean-Paul Dis, et j'accepte tout le monde. Bon. Eh bien, la preuve, t'as Maurice dans tes amis. Eh ben voilà. Puisque tu as l'air en forme, voici la première tournée de blagues. Ah. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Comme d'habitude, bien sûr, on commence par la blague de Maurice. Une blondie. Je m'y ferai jamais à ça. Une blonde dit à sa copine, je ne suis pas curieuse, mais j'aimerais quand même bien savoir avec qui j'ai couché tout à l'heure. Oh, wow. Oh là là. Bravo. Bon, non, elle n'a pas été foirée. Maurice, une question que je te pose comme ça, malin. Direct, tu me dis oui ou non. Est-ce que tu sais pourquoi les vaches ont des gros yeux? Non. Eh ben, est-ce que tu as déjà essayé de te faire enculer par un taureau, toi? Oh. Wow. Alors, c'est light. Oui, bah oui. C'est notre ami Monsieur Van de Putte. Oh oh, alors, à nos amis belges, pour ne pas les froisser, on m'a dit qu'il fallait leur dire de raconter la même histoire, mais avec un Hollandais. Ah d'accord. Parce que ils racontent les mêmes histoires voilà, avec les Hollandais. Parce que pour les Français, c'est les Belges, mais pour les Belges, c'est les Hollandais. Donc, vous la racontez avec un Hollandais. Oh ben, il dit à ses potes, bon, vous savez, ma femme, elle est formidable, elle est belle, elle est magnifique, ma femme, elle est belle, moi, j'en peux, je suis fier de ma femme, elle est belle, qu'on la rencontre, montre-la nous. Alors, il vient un jour avec sa femme, et effectivement, sa femme, elle a un œil plus haut que l'autre, elle est verte, elle a le nez de travers, bon, dis donc, tu t'es foutu de notre gueule, t'as vu la tête qu'elle a? Et l'autre qui répond, ah bah oui, bah, si vous aimez pas Picasso, hein. Bravo. C'est mou du jingle aujourd'hui. Oui. Non, parce que je disais, on aurait pu leur faire le petit sketch aussi de, à l'époque, Mitterrand qui visitait le ah oui. Le musée d'Orsay. Ah, monsieur le président, bienvenue au musée d'Orsay. Ouais, c'est formidable. Regardez, on a une très belle exposition à présenter. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, bah oui, c'est Renoir. Oui, Renoir, tout à fait, oui, tout à fait, Renoir, oui. Oh, bah dis-donc, c'est un Manet. Ah, oui, oh, bah dis-donc, monsieur le président est connaisseur. Ah, bah, celui-là, je l'ai reconnu quand même. C'est Guernica de Picasso. Ah, non, là, vous êtes devant un miroir, monsieur le président. Tu vois, Maurice, roulette russe, tac, tac, tout de suite, ça part. Instantanément. Exactement. Alors, la blague de Jean-Paul. Alors, c'est une devinette, en fait, pour Bob. Ah, merci. Quel est le point commun entre le Viagra et Disneyland? Je sais, ça amuse les enfants. Non, tu fais la queue debout pendant une heure pour deux minutes de plaisir. Eh oui, c'est tellement vrai. Ah oui, à la différence que Bob, il arrive même plus à faire la queue debout. Je ne répondrai pas à ce sarcasme. Bon, alors pour marquer un premier point, je vais vous proposer un deuxième point. Merci. Je vais vous proposer. Même ses neurones sont congelés. La main passe. Ah. Alors la main passe, j'essaie de vous faire trouver un personnage, en l'occurrence là. Je vous donne des informations pendant 10 secondes. 10 secondes pour votre équipe. Vous trouvez, tant mieux, vous ne trouvez pas la main, passe, etc., etc. Et c'est la première équipe qui trouve le personnage dont il est question qui marque le point. On a le droit à plusieurs réponses? À une réponse à chaque fois. Mais on peut se concerter. Ah voilà, vous avez se concerter avant. Au bout des 10 secondes, vous pouvez vous concerter. Donc je vous donne 10 secondes d'informations. Alors on va commencer par l'équipe qui est menée. Et je pense que c'est la vôtre, Bob, comme d'habitude. Ah, bah, bon. C'est l'équipe des congelés. L'équipe des congelés qui est menée. Ah, n'insiste pas sur le con. Tu hein. le prononces très bien, Philippe. Voilà. Est-ce que t'es prêt, Bob? Non. Eh bien, moi non plus. Voici vos 10 premières secondes d'information. Top. Je suis une actrice et chanteuse française, née le 10 juin 1942. J'ai fait de la figuration au studio de Boulogne, comme en 1963. Il a dit une actrice française? Oui. Mais une actrice française, il a dit. C'est les premiers trucs qu'il a dit. Elle est née en 42. Faut que tu raccourcisses parce que Maurice, au bout de 10 secondes, il se rappelle plus. Il y a une réponse. Non. Au hasard. Non. Rosie Vart. La main passe. 1942. Non. La main passe. Elle aurait 70 ans cette année. Donc. Top. En 1963, dans le film Charade de Stanley Donen. Puis j'enchaîne quelques films d'auteurs mis en scène par Jean-Daniel Paulet, Philippe Labro ou même Pierre Tchernia. Là, vous pouvez vous consulter, hein, Jean-Paul. Vous avez le droit de parler. Hein. Non, Charade de Stanley Donen, t'as dit. Hein. Oui. Donc, non, mais ça peut pas être ni Leslie Caron, ni... Ah, remarque. Non, Leslie Caron, elle est plus vieille que ça, elle a 80 ans. Qui c'est qu'il y a d'autres? Non, aucune. Fonda, 70 ans. Jane Fonda. Jane Fonda, 70 ans. Elle a plus, elle a 74. Ah, je pensais pas, voilà. Je crois. Ok. Bon, on dit qu'on sait pas pour l'instant. On sait pas. Allez. La main repasse. Top. Et je donne ainsi la réplique à Bernadette Lafont, Claude Jade, Jean-Pierre Mariel, Serge Gainsbourg, Fabrice Lucchini, Michel Serrault, Philippe Noiret ou Gérard Depardieu. En 1964... Ah oui, Deneuve. Ça te dit Deneuve? Il faut vérifier avec Maurice, il est Catherine d'accord. Catherine Deneuve, oui, vas-y. Ou sa sœur, je sais pas. Non, non, c'est Catherine. D'Orléac. Non. Alors laquelle vous me donnez? Catherine Deneuve. La main repasse. Top. En 1964, je rencontre Daniel Philippaki qui vient de lancer un nouveau magazine, Mademoiselle H. Tendre, et je deviens mannequin pour ce magazine. Le créateur de Salut les copains. Actrice, t'as dit? J'ai dit actrice et chanteuse française. Je vais être dans le micro. Je pensais à Hardy pour Philippe Aki, mais... Ah oui, ça peut être ça. Françoise Hardy, mais... Bah non, bah, ah, jamais été mannequin. Elle était l'égérie de Philippe Aki, enfin, un moment. J'ai une autre idée en tête, mais je ne pense pas que ça soit ça. Actrice, moi j'ai... Ah. Elle a peu joué. Alors? On dit Hardy? Françoise Hardy. Françoise Hardy. J'avais dit de ne pas dire Hardy. La main repasse. Ah, c'est pas ça. Oh là là. J'étais persuadé que c'était non, ça. Non, elle n'était pas mannequin, Hardy. Alors, écoutez bien, hein. Top. Le créateur de Salut les copains devient son producteur et produit notamment ses deux premières chansons, C'est bien Bernard le plus vénard et Une écharpe, une rose. Puis j'obtiens le... Oh là. Bob, c'est de ton époque, ça. Ah oui. C'est bien Bernard le plus vénard. Bah, imite là aussi. Elle chante comme ça? Alors, moi j'ai aucune idée. Hein. Oh. Maurice, ouais, toi qui dans les années 60, tu sortais quand même, on était t'étais fou. 42, okay. T'as dit non, oui, elle a 70 ans, t'étais 72. T'étais fourré dans les boîtes toutes les nuits. C'est surtout qu'il rentrait jamais chez lui. Il était toujours dehors. En 42? Oui, la dinde on l'appelait. Il était toujours fourré. Connasse. Allez. Donc pas d'idée? Non, désolé. À la main repasse. Jean-Paul, là ça va. Ouais, vas-y. C'est pour nous là? Oui. Top. J'obtiens le premier rôle du film masculin-féminin de Jean-Luc Godard en 1966 auprès de Jean-Pierre Léaud, Marlène Jobert et Brigitte Bardot. Ce film sera interdit au moins de 18 ans. C'est à nous? Oui. Jean-Paul, si je te dis Pandi Panda. Pandi Panda. Qui c'est qui chante ça? Ah bon? Pandi Panda, petit oiseau de Chine. Pandi, je trouve tout son nom, mais je vois très bien. Dans l'Himalaya. Ça va très bien, mais. Chantal Goya. Bonne réponse. Bravo.

Très bien. Et à part Avignon, tu vas dans nos belles régions si on t'appelle. Exactement. J'ai joué à Montpellier là au mois de. J'ai fait toutes les fêtes de fin d'année à Montpellier et puis j'ai d'autres projets effectivement en province. Voilà. Bah, c'est super. Donc on peut suivre ton actualité sur le site internet. Hein. Sur le site internet, jeanpauldis.com ou sur Facebook. Ou sur Facebook. Voilà. Très bien. Alors l'actualité de Maurice, on l'a su dans l'émission. Il a une actualité nouvelle que tu ne connaissais pas à l'époque qui s'appelle la roulette russe. Ah. La roulette russe, en fait, c'est très simple. On te donne des mots. La roulette ruche. Oui. C'est un peu ça. Oui. Enfin, c'est très simple, pas pour Maurice. Si, si, si, si. Maintenant, il y arrive très facilement. Si. Sois pas mauvaise langue. Donc, on te donne des mots qui correspondent à des blagues historiques de Maurice, oui, de son répertoire. Donc, tu dis stop quand tu veux après un mot et automatiquement sans ses notes. Ah oui, automatiquement. Ah, oui. Maurice te raconte cette fabuleuse blague. Sans vraiment, sans hésitation. Donc tu dis stop quand tu c'est veux après filet. Un mot, c'est sans filet. Maurice, tu es prêt, bien sûr. Hein. Bien sûr. Alors, top roulette russe. Souris, merlin, zébu, roue de secours. Top. La fabuleuse blague du roue de secours. On écoute Maurice. Allez, là, tu l'as aidé quand même. Mon cher Jean-Paul, oui. C'est Paul de Carotte qui est dans un Simca. Dans un Simca. C'est un Simca 1000. Simca 1000. Non, non, t'embrouille pas, Maurice, tu vas pas y arriver. Alors. Qui est dans un Simca, oui. Et il dit. Oui. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit rien. Non, au départ, c'est une devinette. Oui. Non. Oui. Qu'est-ce que Poil de Carotte ? Quelle différence ah, y oui. a-t-il ? Ah oui, quelle différence y a-t-il entre. Ah oui. Arrête de dire des conneries, toi. Ne l'embrouille pas. Ah, c'est pas sois, ça. Sois c'est pas un peu une charité chrétienne. Un oh, peu, ouais. Mais charité chrétienne. D'où tu as vu la charité chrétienne? Alors, qu'est-ce que. Quelle différence? Alors, vous avez remarqué quand même. Mon cher oui. Maurice, donc. On a dit un mot et aussi sec, il a démarré. Ah, ah ouais, non, mais oui. Il est hyper réactif. C'est dingue, ah ouais. C'est dingue, c'est dingue. Alors. Mon cher Jean-Paul. Oui. Quelle différence? Mais non! Non! C'est poil de qu'est-ce carotte. Mais non. Qu'est-ce que poil de carotte dans un sidecar. Voilà. Voilà. Dans un quoi? Dans un sidecar. Ah. Voilà. C'est comme d'habitude. Il faut dire. Je ne sais pas. Donc même si je dominais la réponse, je ne sais pas. La réponse. C'est... Alors c'est un roue de secours. Bravo. Voilà. Bravo. Oh, excellent, Maurice. On la sentait pas arriver, dis donc. Un jour, il y arrivera du premier coup. Oui. C'est mais le roue de secours. Hein. On nous a demandé, parce que là, il y a quelque chose qui a fait vraiment un tabac. Ouais. C'est, Maurice a une nouvelle habitude maintenant. C'est d'arriver à faire un mix de ses blagues. Il nous a fait ça. Là, c'est le David Guetta de la mime. Ah non, mais là, c'est du top du top. Exactement. C'est-à-dire qu'il nouveau, a. Donc, il était parti pour nous raconter sa fabuleuse blague de Maya l'abeille. Rappelle-lui la blague de Maya l'abeille à Jean-Paul, elle est très rapide. C'était Maya ou oui. C'était l'autre. Il était parti pour nous raconter la fabuleuse blague de Maya. Maya l'abeille. Raconte à Jean-Paul Maya l'abeille. Vite, bon, c'est Maya l'abeille et sa cousine. Alors, c'est Maya l'abeille et sa cousine qui ont internet dans leur ruche. Voilà. Et sa cousine lui dit. Ouais. Donne-moi. Donne-moi ton adresse e-mail. Ah. Miel. Miel. Oui, miel. D'accord. Voilà, donc ça c'est la blague de Maya l'abeille. Voilà. Et donc il y a la blague de la maman araignée. Oui. Avec sa fille qui vient dîner. Oui, vas-y. Vas-y, résume-la, vas-y. Oui, ça, c'est la maman araignée qui reçoit sa fille à dîner. Oui. Et elle lui demande comme dessert ce qu'elle veut. Voilà. Et la fille lui répond une mouche au chocolat. Une mouche au chocolat. Une mouche. C'est joli. Voilà, alors donc Maurice a une nouvelle technique maintenant, c'est de raconter les deux blagues en une seule. Ah. Ah oui. C'était une exclusivité. Pour le même prix. Beau challenge. Mon cher Guillaume, c'est Maya l'abeille qui reçoit sa fille à dîner. Ah ouais. Qui reçoit sa fille à dîner. Et bon, c'est le raconter entièrement. Et sa mère demande à sa fille à la fin du repas, t'as bien dîné, maintenant qu'est-ce que tu veux comme dessert? Et la fille lui demande, est-ce que tu as une mouche au chocolat? Regarde la tête si, parce qu'il faut l'image. C'est qui est marrant, c'est la tête à Guillaume. Non, parce que on a compris quelque chose. Non, mais il y a une histoire de mouche au chocolat. C'est avec une abeille. Non, parce qu'en fait, il vient de mélanger deux blagues. Il vient de mélanger deux. Et voilà. Et bravo. Ah, c'est quand même, hein. C'est faut le faire, hein. Bah, ce qu'on peut rajouter, c'est que au bout d'un moment, on l'entend bien. Il se rend compte qu'il s'est trompé. Oui. Mais il continue quand même. Pour corriger jusqu'au bout. Pour corriger ce que tu disais, c'est plutôt le David Guetta de la blague. Bon, dans quelques instants, je vais te mettre encore à l'épreuve avec la fabuleuse épreuve du trivial. Ah. C'est comme la dernière fois et cette chose existe toujours. Reste avec nous, on revient avec Jean-Paul 10. Ouais. Retour, on va se marrer avec Jean-Paul 10. Ouais. Qui vient nous proposer ses jeux de mots. D'ailleurs, le One Man s'appelle One Mo Show. Non, il s'appelle Jeu de mots, le One Man. Et pourquoi il y a marqué One Mo Show? Ah oui, c'est le sous-titre. Voilà. Sous-titre. Voilà, c'est un One Man Show, One Mo Show. Voilà. One Mo Show. Voilà. Donc, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me fais une... Non, rien. T'as plus de son? Il y a les mouches, Oui. Bon, Maurice, on t'attend pour la promo. Mais suis un peu ce qui se passe. Jean-Paul 10, Jeu de mots, c'est tous les vendredis à 19h. Oui. Au théâtre Le Bou, 6 rue Frochot, dans le 9e arrondissement. Et les transports, c'est le métro Pigalle. Alors, moi, c'est quel numéro de ligne? 2 et 12. 2 et 12, oui. Voilà. Maurice, retourne le flyer, parce que d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plein de petites phrases sympas qui donnent envie de voir le spectacle et qui, on comprend d'ailleurs du coup de quoi parle le spectacle. Tiens, par exemple, commence avec une femme. Une femme qui prend un café allongé. Peut-elle? Quoi peut-elle? Il y en a deux. Oui, c'est pour ça. Il y en a deux. Alors, une femme qui prend un café allongé est-elle une fille facile? Ensuite. Et ensuite, le système U va-t-il créer un magasin pour les presbytes? Option U. Non, optique U. Il m'a cassé ma chute. Optique U. Pour les presbytes. Pourquoi tu me regardes? Non, mais toi, t'es casse-couille. Alors, ensuite. Attends, alors, une femme peut-elle quitter un homme suite à un crash boursier? Ben oui, après il est à court de liquidité. C'est quand même plus drôle quand c'est Jean-Paul qui l'a raconté. Oui, c'est vrai. Hein. Voilà, bon. Bon, alors il nous en refera un petit tout à l'heure, de toute façon Jean-Paul, il nous fera un petit extrait du spectacle. Ah excellent. Mais avant cela, chers amis, nous avons une nouvelle épreuve, c'est l'épreuve du trivial. Ah oui, t'as raison, c'est nouveau, ça fait 18 ans qu'on l'a fait. J'ai, comme depuis 18 ans, tiré au hasard... Ah oui, ça, tu tires toujours au hasard. ...deux cartes dans le boîtier du trivial de 1985. Ah oui. Wow. Ah oui, attention. Boîtier la date est originale. Ah oui. Mais c'était important. 86 d'habitude. Non, c'est 85. Non, ça a toujours été 85. Non, 85. Ah, pardon. Deux cartes au hasard. Une carte par équipe, 6 questions par carte. Le but du jeu étant de répondre au plus grand nombre de questions pour marquer un maximum de points. Chose importante, vous pouvez vous consulter pour donner la réponse. Ou bien, si vous êtes persuadé d'avoir la bonne réponse, vous dites cash. Vous donnez la réponse. Si c'est la bonne réponse, cela rapporte 2 points à votre équipe. Sinon, vous reversez dans le ramequin, pour Frédéric, des chipsters. Ah non, là, c'est Davy qui vient de me piquer mon paquet. Alors. Ma façon de parler. Et voilà. Donc, j'en étais où? Je sais pas. J'en étais à donc. Ah oui, alors donc. J'en étais à donc, oui. Cash, réponse, 2 points. Si vous n'avez pas la bonne réponse ou si vous ne savez pas répondre, l'équipe adverse peut donner la réponse à votre part et marquer à votre place et marquer le point. Oui, marquer un point. Un point, oui, parce que là, il n'y a plus de cash. Et si on se concerte, c'est un point également. Et si vous vous concertez, c'est un point. Très bien. Donc, je fais toujours choisir à Bob la carte parce que sinon, il y a contestation à la fin de l'émission. Alors, Bob, est-ce que tu veux la 1 ou la 2? Tu veux laquelle, maman? Allez, on prend la 1. On va prendre la 2, alors. On sent une cohésion d'équipe. Alors, la 1 ou la 2? La 2. Sachant que la 1 est la plus facile. Oui, je sais bien. Mais on aime la difficulté. D'accord. Et on va commencer... Surtout Maurice. On va commencer donc avec la carte numéro 2 par l'équipe des congelés, puisqu'ils n'ont pour l'instant pas un seul point. On est congelés. Voilà, il faut que vous en marquiez. Les 10 minutes camembert. Donc, attention... C'est pour vous. Quelle est la ville porte d'entrée du Connemara? la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dublin ? Non, attends. Non, Dublin c'est en haut, celle d'en dessous c'est quoi ? Du commun. Mais non. Quoi non ? Je sais plus, je sais plus. Je vais dire Dublin, mais je suis pas sûr. Non. Cork ? Cork. Non plus. C'est Galway. Ah oui, Galway, de Galway, Galway. C'est dans les paroles de la chanson de. Ah, elle avait cru, hein. Alors, zéro pour l'instant. Qui a réalisé le docteur Mabuse? Ah oui, ça c'est pour Fred. Maurice aussi, il va au cinéma de temps en temps. Tu vas au cinéma? Mabuse, oui. Qui c'est qui a fait docteur Mabuse? Je m'en souviens pas. C'est un très vieux, hein. C'est un... Oui, c'est des années 30. Hein. Au hasard, un réalisateur connu. Au hasard, ça, le hasard peut bien faire. Je peux dire que son fils a été ministre. Il rigolait jamais, France. Là, comment. Quoi, son. Son fils a été ministre en France. Ah ouais. Oh, bah, ça nous aide. Ouais. Il y en a eu tellement. Alors, au hasard. Non, mais c'est un faux indice. Cécile B2000. Je cherchais pas Cécile B2000. Oui. Bah, oui, non. Il faut bien dire quelque chose. Ah non, c'est le père de Jack Lang. C'est Fritz Lang. Eh ben oui. Ah oui, Fritz Lang. Ah, bravo. Le point va pour les 10 minutes. Bah, oui. Oui, mais bon, c'est leur ressort. Oui, c'est leur ressort. Comment Judas Iscariote. Qui c'est celui-là ? S'est-il suicidé ? Suicidé ? Oui. Une balle de révolte. Ah, oui, oui. Comment balle de la révolte. Deuxième balle était morte. Comment Judas Iscariote s'est-il suicidé ? Alors que le public. Il s'est pendu, cash ! Quoi ? Il s'est pendu. Correct. C'est honteux. C'est honteux. Le public souffle. Le public souffle. Je sais pas, je croyais que quelqu'un avait un malaise dans le public. Non, c'est ça, ouais. J'étais prêt à donner la réponse. Et pas celle-là en plus. Alors, une question d'art et littérature. Ah, oui. Pour Maurice. Combien y a-t-il de muses? Ah ben. 7. T'as pas dit 4-7. Non. Merde. J'aurais dit 7 aussi. Et Maurice, tu n'engueules pas? Non, non. Moi, j'aurais dit 6, moi. Eh ben, engueule-le quand même, si c'est sûr que vous avez la bonne réponse. 6, peut-être. Non. Peut-être 9. Non, je crois qu'il a raison, c'est 12. Ah, moi, j'aurais dit 12 au départ. Non, non, ouais. Mais ils disent 9. Voilà. Bon, bah, non, 9. Non, mais c'est... Ah, bah, oui, alors, vous me dites. Bah, 12 et 9, 21, allez. Alors, 12. Et c'était 9. Oh ah. Waouh, ils sont bons en face. Excellent pour semer le trouble. Bravo. Quel est le surnom du monstre du Loch Ness? Fred. Dis donc, tu veux mais tu vas la voir ma main dans ta gueule, toi. Non, mais c'est pas vrai. Je sais. Tu sais? Non. Oh! Ah oui, je sais que ça! Mais Maurice, putain! Quoi? Bah, le surnom du monstre du Loch Ness! Je sais plus. Oh non! Pourtant, je connais que lui, hein. Tu devrais savoir! Et c'est Xena, Kukeda, un nom comme ça, Pinon. Xena? Non, pas Xena, non. Zaya? Je sais plus. Le monstre du Loch Ness, elle est dans sa culotte. Et puis ça me reviendra pas. Alors, est-ce que vous avez une idée? Oh, ils l'ont. Nessie. Et oui, bah, c'est voilà, Nessie. Comme je le disais, Nessie. Mais oui. Excellent. Et enfin, quel a été le premier sport d'hiver? Attends, dans l'Antiquité, si on veut. Voilà. Quel a été le premier sport d'hiver? J'hésite entre les raquettes et la luge, évidemment. On va dire les raquettes, peut-être. Les raquettes, on va dire ça. Les raquettes. Les raquettes. Non. Non. Donc on va prendre la luge. Oui, c'est correct. Chance sur deux, hein. Chance sur deux. Allez. Les applaudis pas, toi. Donc, à l'issue de votre carte, les congelés, on a deux, deux points, hein, quand on même. A marqué deux points. Ah, oui. Pas mal. Mais... grâce à moi, quand même, hein. Oh, le blanc. Oh, attends. Le blanc. Il faut quand même qu'on te raconte. Oui, vas-y. Philippe dit, tiens, une question pour Momo. Ah, hein? Ben ça, on peut te la faire écouter. Ah oui, ah, oui. Écoute. Parce que Maurice, des fois, donne des réponses cash. Cash, là, indien. Là, j'aimerais quand même, Bob et Gégé, que vous laissiez Maurice répondre cash à cette question. Oui. De quelle couleur sont les schtroumpfs? Non. Il faut que tu dises cash. Cash. Oui. Vert. Non. Que vous entendez, c'est fini. On a deux. On a deux. Ah, bravo. Ah, oui. Ah, bravo, Maurice. C'est quand même extraordinaire. Et il était fier de lui en plus. Ah, oui, oui. Je sais, cash. Attends, il a eu des bleus parce qu'il y avait GG dans son équipe. Ah, oui. qui lui a tapé dessus. Bon, alors on va voir si l'équipe des congelés reste à ses deux points ou si elle arrive à vous piquer les points, puisque juste après cette courte pause, c'est votre carte, Jean-Paul. Oui. Donc, une carte facile. Oui, parce que j'avais dit à Bob tout à l'heure, il y avait une facile, une difficile, il a pris la difficile. Restez avec nous, on revient avec Jean-Paul Diss. Ouais. Ouais. Ouais. Retour, bon Vasse Marais, avec ouais. Jean-Paul Diss. Ouais. Ouais. Et c'est vrai, Jean-Paul, avec son spectacle Jeu de mots, Jean-Paul, en plus, on t'a entendu l'autre jour sur une de nos radios concurrentes, sur une petite radio locale. Oui, France Inter. Ah oui, c'est ça, on l'a entendu. FM. C'est sur quelle, c'est une petite FM. Ouais, ça passe mal dans le coin, de toute façon, on s'en fout. Mais c'est bien, remarque, de faire un peu, d'aider les radios locales. Exactement, comme ça. Tout à fait. Tu fais des sketchs, un petit coup de pouce, oui. Elle est sympa, Isabelle Giordano. Elle est très jolie, elle est très sympa. Ah. Voilà. Tu sais qui c'est, Bob? Isabelle Giordano. Giordano. Oh, si, elle est belle et tout. Hein? Bob, il aime que Marie-Ange Nardi. Ah ouais. Elle est encore à la télé, celle-ci? Oui, elle fait le télé-shopping sur TF1 le samedi matin. Ah, merde. Je me suis vendu. Voilà. Maurice, tu la trouves belle, Isabelle Giordano. T'adores les blondes, toi, de toute façon. Mmh. Mmh. Elle est brune. Hein. Oui, je sais qu'elle est brune. Un peu métisse. Ah. Non, ça, c'est Pulvarde. Non, c'est pas la même. J'aime pas celle-là. Alors, n'oubliez pas que là, la carte, c'est la plus facile. Ah oui, alors, Jean-Paul, là, on déconne, mais il y a ta carte. Mets-nous la pression. Donc, il y a votre carte. Ouais. Comme tout à l'heure, hein, c'est le même principe. Vous pouvez vous consulter ou pas si vous ne vous consultez pas. Alors, oui, pas. Si tu as une réponse cash, tu me. Cash. Tu me mets. Voilà, d'accord. Hein. Ok. Attention, c'est parti. Où paye-t-on une tasse de café avec des Cruzeiros? Alors, à l'époque, en 1985, cash, c'était au Brésil. Correct. Maintenant, c'est avec un réal qu'on la paye. Et c'est pour ça que je précise toujours que c'est 85. D'accord. Qui sont les amants scandaleux du Diable au corps d'Otan Lara? Tu veux les acteurs? Oui. Ah, ça, Fred, c'est pour toi. Il y a Gérard Philippe. Donc, cash, Gérard Philippe. T'aurais peut-être pas dû dire cash, parce que c'est peut-être pour la comédienne, il va peut-être falloir se consulter. Non, non, mais attends. Si t'as des doutes. C'est le Diable au corps. Hein. Ah oui. Donc Gérard Philippe et. Je vais me planter, je suis sûr que je vais me planter. C'est pour ça que tu aurais dû te consulter avec. Lui demander son avis quand même. Allez, Daniel Darieux. Non. Ah putain, c'était l'autre. Alors Bob. Désolé, Bob et Maurice. Qui sont les amants scandaleux du Diable au corps de Claude Autant Lara? Michel Morgan? Ou Brigitte Bardot? C'est Brigitte? Alors, on sait qu'il y a Gérard Philippe et donc la nana. Ah, une vieille? Oui. Prelle, peut-être? Comment tu dis? Prelle. Micheline Prelle. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Regarde-moi. Micheline Prelle, oui, sûrement. On va dire ça, Micheline Prelle. C'est correct. Et, j'avais une chance sur deux. Bien. Daniel Darieux, c'était le rouge et le noir. Ouais. C'est pour ça que tu aurais dû demander à Jean-Paul. Et donc ça leur fait un point. Et, oui, et moi alors? Rien, zéro. Pour un demi-point. Où? Pour Gérard Philippe. Où? L'empereur. Où? L'empereur d'Allemagne, Henri IV, implora-t-il le pardon du pape Grégoire VII? Alors on va se concerter à Avignon. Oui, soit Avignon, soit Aix-la-Chapelle. Enfin, c'est l'un ou l'autre. Mais c'est plutôt Avignon. Plutôt Avignon, là. Comment Avignon? Moi, je te fais confiance, Fred. Là, je m'appelle Jean-Paul Diss, messieurs. Oui, c'est pour ça, c'est une question. En matière de pape, c'est une question pour moi, en principe, mais. Mais voilà. Pourquoi Aix-la-Chapelle? Il y a eu des papes à Aix-la-Chapelle? Non, mais c'était capitale. Ouais, non, mais ok, bon, prenons Avignon. Je te fais confiance, je te suis, Fred. Ouais, mais si je me plante, ça fait deux fois de suite. Hein, et l'autre, il va jubiler en face. Vas-y. Je me marre. Tu me dis? Avignon. La main. Non, c'est pas quoi, c'est faux. Bah oui, non, c'est Rome. Non, c'était à Canossa. Ah bah ah, oui. Ah oui. Bah voilà. Ouais, Canossa. Ouais, ouais, ouais. Il était jusqu'à Canossa. Quelle haute récompense a reçu l'auteur de L'étranger en 1957? Cash, le prix Goncourt. Merde. Non. Non. Alors, Bob et Maurice. Bon, vous savez qui a écrit L'étranger? Oui. Oui. Oui. Oui, je le sais, n'est-ce pas? Alors, c'est Claude Guéant. Alors, en 1957, qu'est-ce qu'il a eu? Maurice, Harry. Bah, il est mort déjà, quel pas longtemps prix après. Quel prix? Le prix féminin existait déjà à l'époque? Non. Oui, oui, il existait. Oui, oui, ça existait. Oui, oui. Écoute-le, dans ton mais carré. Non, mais non, mais non. Il existait, Bob. 10 sur 10, hein. Je sais pas. Non, au hasard. Le prix. T'as une idée? Non. Féminin, allez. Non, c'est mais le non. Prix Nobel. Eh oui, c'est le prix Nobel. Ah oui, oui, on n'est oui, pas du tout dans le. De quelle couleur est la poussière du diamant? Dommage que ça soit pas du côté de décongelé parce que Maurice aurait pu faire un cash. Heureusement que. Heureusement que t'as dit que c'était la facile. Je dirais vert. Du vert, ouais, je pensais au vert aussi. On va dire vert. Vert. Vert. Vert. Non. Non. Bon, d'accord. Alors. Je regarde le mien. Bah, j'ai bien une idée. Voilà. Oui. C'est du toc, ça, ce moment-là. Ah non. Ah, tu plaisantes. T'as couché avec Bokassa ou quoi? Non plus. Oui. Alors vas-y. Bah, je crois que c'est noir, mais. La couleur du diamant? Non. La poussière. La poussière. La poussière. Bah, gratte-le un peu ton truc là. Non. Et on va dire noir. Noir. Correct. Ah. Eh ben, dis donc. Et enfin, ouais. Qui était l'adversaire de Yannick Noah dans la finale des internationaux de France en 1983? Eh oui, bien Cash sûr. Cash Wilander. Eh oui, c'est bravo. Correct. Eh oui. Bravo. Là, eh, c'est pas mal quand même, hein. Alors, pour l'instant, les congelés, 4 points. Ah, bravo. C'est pas mal du tout. Hein, quand et même. On n'est pas fanny quand même. Hein. Non, non. Et 9 pour les 10 minutes. Ouais. Ouais. Oui, oh. quand même. Il vaut bientôt marquer 10. Alors. Quand même. Ah bah oui. Ah, voilà. 10 minutes, 10. Bon, alors avant de remonter la pente, je vous propose une petite tournée de blagues. Ah. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, Maurice. J'ai pas mon. Voilà. Deux hommes sont dans un bar. L'un demande à l'autre : vous êtes homosexuel, monsieur ? Non, et vous ? Non plus. Et les deux ensemble : dommage. Ouais, pas mal. Allez, en plus, elle est bien jouée. Bien racontée, elle aurait pu être bien. Un chameau et un éléphant se rencontrent. Pour la première fois. Ah. L'éléphant étonné de voir un pareil animal devant. Oh, oh, t'as les nichons sur le dos. Ou tu t'en vas une question pour un mec qui a la bite au milieu du front. C'était un cours de sciences naturelles de Papy Bob. Alors c'est un mec complètement bourré qui sort d'un café et qui voit une bonne sœur qui passe. Il se jette dessus. Ah! Et il commence à la tabasser. Ah, boum, bam, bam. La bonne sœur est complètement KO. Puis il y a le mec bourré qui dit franchement, Batman, je croyais que t'étais plus fort que ça. Hein. C'est vrai qu'on te filme en train de raconter les histoires. C'est toujours Monsieur Vente de Pute. Hein. Je suis avec Monsieur Vente de Pute. Oh, bah, très intéressant, bon, il a décidé de prendre des cours de plongée. Hein. Alors il va à la mer, hein, à Orléans, et parce qu'il n'a pas bien compris. À Knokle-Zout. Et donc il prend sa leçon et puis il plonge, voilà. Et puis il remonte pas. Ah. Il remonte pas. 3 minutes, 5 minutes. Il finit par ressortir et il fait « Oh mon Dieu, hein, je savais pas que c'était si crevant votre truc, moi j'arrête la plongée, c'est trop dangereux !» Et le moniteur qui dit « Bah évidemment, qui c'est qui vous a demandé de descendre avec deux extincteurs sur le dos ?» Je fais remarquer que l'extincteur, c'est une histoire de Maurice. Oui. Ah. Oui. Mais avant ça, on a l'histoire de Jean-Paul X. Alors moi, c'est une devinette que j'aime bien. C'est qu'est-ce qui pénètre sec, ressort mouillé et donne beaucoup de plaisir. Mmh. Enlève ton doigt, Bob. Un sachet de thé. Et avant de rendre l'antenne, une petite blague de Maurice de sa boîte miel. Ta boîte miel. Boîte miel, Maurice. Boîte miel. radio.ovsm@gmail.com. Voilà, envoyez les blagues à Maurice, il les raconte en direct. Alors de Fabrice de Nice, tiens, c'est à nouveau celui-là. Quelle est la puissance, mon cher Jean-Paul X? Oh là là. Non. Quelle est la puissance d'un coton-tige? Je ne sais pas, Maurice. 2 kilowatts. Oh, oui. T'as compris? Vas-y. 2 kilowatts. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Je te le dirai la prochaine fois. Il n'a pas compris. T'as raison. Là, t'as raison, Bob. Il n'a pas compris la blague, en fait. Mais alors, moi, je propose qu'on passe le disque. Et comme ça, pendant le disque, on peut expliquer à Maurice la blague. Oui. Et en plus, ça permet à Jean-Paul de se préparer parce que juste après, on va encore le solliciter pour un petit extrait du spectacle. Ah. Restez avec nous. On revient avec Jean-Paul X. Ouais, ouais. Retour, on va se marrer avec Jean-Paul X. Ouais. Wow. On revient. Et puis alors, le spectacle de Jean-Paul à Paris actuellement au théâtre Le Bou, Maurice. Hein. Et dans le 9e arrondissement, 9 rue Frochot. Non, mais... non. Quoi? 6 au 9, c'est un pipe show, Maurice. Ah oui, c'est le sexodrome. Ah, c'est l'arrondissement qui est dans le 9e oui, arrondissement. Oui, oui, oui. Voilà. 75-009 et c'est au 6 rue Frochot. C'est tous les vendredis à 19h. Voilà, et on attend avec impatience l'été prochain pour aller voir Jean-Paul au Festival d'Avignon, comme il nous l'a déjà annoncé. Son site internet pour tout savoir, c'est jeanpaul10.com. Très bien. Ah, mais parfait. C'est un bon agent. Mais non, mais tu vois, je vais le prendre. Pour la promo, c'est bien. Ouais, il a fait les promos. Par rapport à depuis un an, Jean-Paul, il a progressé. Jean-Paul, fais très attention. Dis plutôt, tu vas l'engager. Ah oui, je vais l'engager. Oui, il aime bien ce terme, engager. Plutôt que tu vas le prendre. Ah oui. Ah non, parce que là, sinon, tu vois, il s'est déjà rapproché. D'ailleurs, des promesses, toujours des promesses. De toute façon, tu risques rien. En face, t'en as un que ça intéresse pas et l'autre qui peut plus. C'est vrai que ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps. Ça marche dans tous les cas. Dans tous les cas. Bon, alors, en attendant, moi, je propose qu'on retrouve Jean-Paul sur scène pour un extrait du spectacle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui. Allez, Jean-Paul X. On attend que ça. Ouais. Alors en bas de chez moi, il y a un salon de massage thaïlandais qui s'est ouvert. Ah, ça c'est bien. Le Thaï crayon. Alors je décide d'essayer, j'y vais, je sonne. Là une Thaï, de petite Thaï, m'ouvre la porte. Bonjour. Qui est pour un massage? Ben oui. Massage avec finition. Hein? Finition? Bon, c'était un peu plus cher en même temps. Je me suis dit, s'il y a une finition, j'aurais pas à revenir une nouvelle fois, tu vois. Donc je dis d'accord. Elle me dit, on paye d'abord. Alors je paye. Puis comme c'était quand même un peu cher, j'en profite pour demander si c'est remboursé par la sécu. Là, elle éclate de rire et me dit, bien sûr que c'est cul. Et tu vas beaucoup aimer. Comment tu t'appelles? Jean-Paul. Jean-Paul? Jean-Paul. Ben, Jean-Paul, tu vas découvrir nos masseuses. Tu vas voir, elles ont des doigts de fée. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un jeu. Ah. Plutôt que je vous dise comment s'appelle l'effet du taille-crayon, vous allez deviner. Ah. Donc, je vais vous donner des définitions. Et en fait, chaque réponse sera un mot qui commence par fée. Le premier exemple. Elle se fait attendre car elle est en retard. C'est la fée. La fée tard. La fée tarde. Bravo. La fée tarde. Un point pour toi. Super. Allez. Quand elle jouit, elle émet des râles. La fellation. Non, celle-là, on le regarde là-bas. Regarde là-bas. Oh là. Garde là-bas. Quand elle jouit, elle émet des râles. La fédérale. La fédérale, 2 points. Bravo. Bravo, Philippe. Très bon, Philippe. Allez. Elle prend tout son temps quand elle bouge les fesses. Elle prend tout son temps quand elle bouge les fesses. La fée-fesse? Non. Allez, un indice. Elle a une de ses patates. Elle prend tout son temps quand elle bouge les fesses. Elle a une patate. La féculent. Ça c'est trop riche pour nous. Allez, une plus facile. C'est le niveau au-dessus là. Elle est rouge et puissante, tel un cheval se cabre quand vous la montez. La Ferrari. Bravo Fred, un point pour Fred, 3-1. Par contre, si vous êtes plutôt Renault, c'est la fée. Par contre, si vous êtes plutôt Renault, vous aimez les vieilles chanteuses. La fée Carrosse ? Non. Par contre, si vous êtes plutôt Renault, vous aimez les vieilles chanteuses qui ont joué dans les ch'tis. C'est la Féline. La Féline, 4 points. Ah oui. 3 points. 3 points pour toi. Oh, allez. Là. Et celle qui se moque des voitures ? C'est un vrai tas. C'est la fée. Carabosse ? Non. T'aimes bien la fée Carabosse. La ferraille. Oh, la ferraille. Allez. Maurice, il est tombé dans les pommes. Là. Allez, vous préférez les garçons ? On en a deux qui vous font votre fête. Préférez les garçons, il y en a deux qui vous feront votre fête. La fée, c'est toujours avec une fée. Toujours fée, hein. Ah bah, c'est là la fellation. Non, toujours pas. Ça va. Ouais. C'est possible, mais c'est pas possible. Bob, je sais pas. J'ai bien réussir à la placer quand même. C'est la fée Eric. La fée Eric. La fée Eric. Et la fée Steve. Et la fée Steve, oui. Ah. Oh là là. Allez. Pour les masos, elle vous donnera une leçon de bonne conduite en vous corrigeant jusqu'au sang. Elle vous donnera le son de bonne conduite en vous corrigeant jusqu'au sang. La fessée ? Non, celle-là, on le regarde là. Vous trouverez si vous avez de la veine. La fée, elle vous donnera le son de bonne conduite en vous corrigeant jusqu'au sang. La fée morale. Oh ! Alors celle-là, elle revient de loin. Allez, une autre, ça va aller vite, c'est la fée. Hop ! La fée fesse ! La fessée ! Un point pour Bob. Allez, plus compliqué. Comme elle est un peu bête, elle tombe tout le temps enceinte du premier coup. Elle oublie sa pilule. Comme elle est un peu bête, elle. La fertile ? Non. Elle... Non. La fée, c'est pas faire. C'est la fée. Oui, c'est la fée. Fertile. Elle tombe tout le temps en scène du premier coup, elle oublie sa pilule. Elle est un peu bête, c'est la fée. La fée idiote. Non, c'est presque ça, la fée. La fée conne. La fée con. La fée con. La fée con. La fée con. La fée con. Alors, si vous aimez les filles du début de l'année, vous prendrez la fée. Les filles du début de l'année. La qui fée... sont un peu tordues. La fève. Non, on parle de moi, mais pas de moi. La fée du début de l'année. On parle de moi, mais pas de moi. Elle est un peu tordue. Elle est vrillée. Elle est février. Deux points. Elle est février. C'est toi qui l'as dit, Maurice. Ah, mais Maurice, un point pour Maurice. Et celle qui commet un meurtre au mois de janvier ? On en parle dans les journaux. Celle qui commet un meurtre au mois de janvier. La fée tu. Non, il y a une colonne pour ça dans les journaux. La fée. La fée d'hiver, ouais, bravo. Oh là là là là. C'est le réalisateur qui joue. On l'entend pas en plus. Allez. On l'entend pas. Elle est âgée, elle a uniquement la peau sur les os des cuisses. Elle est âgée, elle a uniquement la peau. La fée qui plisse la. Elle est âgée. La fée cuisse. La fée lulite. Non, bien essayé. La fée mûre. Ah oui, oh. Elle est mûre. Allez, une dernière pour la bouche. Ah, pour la bouche. Oui. Vas-y Bob. Allez, Boré, allez Bob. La réponse. Félation. Ouais, bravo. Bravo. Ah, j'ai réussi à la placer. Très bien. Ah, surtout que Bob est un spécialiste. Parce qu'il avait... Ah non, il faut quand même le dire. Moi, je suis allé plusieurs fois à l'époque où Bob avait un bureau avec une secrétaire. C'est vrai. Et il y avait un grand panneau son bureau. C'était pour la campagne anti-tabac. Ah. La cigarette, non. La pipe, oui. Oui. Il faut dire que ta femme avait des prothèses, pipe. Oh. Ah oui. Bon, eh ben, écoutez, moi, je pense que les auditeurs qui veulent... Tu fais ça aussi dans le spectacle? Dans le spectacle, c'est interactif, donc il y a des jeux comme ça, les gens participent. Ouais. Super. C'est très sympa. Donc, c'est la suite, Maurice. Alors, c'est au théâtre Le Bout. C'est tous les vendredis à 19h. C'est au 6 rue Frochot, dans le 9e arrondissement. C'est métro Pigalle. Merci Maurice. Pigalle. Bon, eh bien, puisque Maurice a l'air d'être en forme, moi je propose une deuxième petite roulette. Ah oui. Une petite roulette russe comme tout à l'heure, c'est le même principe. Tu dis stop quand tu veux et automatiquement, sans regarder ses notes, Maurice nous raconte une bonne blague dont il a le secret, une blague historique de l'émission. Top roulette russe. Ostréiculteur, poussin, clocher. Skieur juif. Stop. Ah. La blague des skieurs juifs. Ça fait un moment que tu nous l'as pas faite celle-là. Hein, elle est bien. Ah, elle est pas mal, ouais. Alors Maurice, on t'écoute. Alors, attends. Quoi alors? On avait dit instantanément. Mort. Sans ses notes. Sans tes notes. Aussitôt, il raconte la blague. Mais j'en ai tellement à vous raconter. C'est un bordel dans son cerveau. Oh là là. S'il n'y avait que dans le cerveau. Il y a plein de trucs qui servent plus. Alors. Que se disent. Est-ce qu'on a toute la nuit? Que se disent. Voilà. Alors, allez. Mon cher Jean-Paul. Jean-Paul, c'est pas Dominique. Pourquoi je veux l'appeler Dominique? On n'est pas dans le même. Parce que tu t'es dit, désolé, il va me faire Dominique, Que se disent deux skieurs, mon cher. Non, mais pas moi, lui. Ah oui, non, mais mon cher Jean-Paul. Juif. Ah. J'avais oublié. Ah oui. Que se disent deux skieurs juifs sur les qui se croisent au sport d'hiver sur une piste de ski. Oh putain. Mais sport d'hiver, ça peut être du bobsleigh. Puis alors si t'arrives à croiser quelqu'un en bobsleigh, c'est très fort. Écoute, je ne sais pas, Maurice. Ah oui, alors, bonne réponse. Alors là, c'est le plus important. Alors, attention. Shalom. Shalom. Voilà. Allez, hop, vas-y. Tant que t'es chaud. Vas-y, mon cher Jean-Paul. C'est bon, vas-y. Que se disent deux skieurs juifs qui se croisent au sport d'hiver dans une descente bleue. Non, Maurice, n'en rajoute pas. Parce que maintenant, tu vas la foirer. Voilà, mais non. Je ne sais pas, Maurice. À force d'en rajouter, tu vas la foirer. Shalom. Mais non. Shalom. Mais non. Tu l'as bien dit tout à l'heure, imbécile. Shalom. Eh ben voilà. C'est pas difficile. Oh là là, c'est pas possible. On s'est quand même pas fait casser la gueule en 40 pour en arriver à ça quand même. C'est pas vrai. Hein. Bon, alors en début d'émission, Jean-Paul, tu avais des doutes sur la faisabilité du jeu de la photo mystère à la radio. Tout à fait. Eh bien, tu vas avoir la preuve que ça existe juste après cette courte pause. Reste avec nous. Tu vas pas être déçu. Avec Jean-Paul 10. Ouais. Retour d'On va se marrer avec Jean-Paul 10. Oui. Bonsoir. Bon, alors, c'est vrai que Jean-Paul, honnêtement, dans ton spectacle, les jeux de mots, ça vole un petit peu plus haut que les blagounettes qu'on fait ici, hein, quand même. On reconnaît, hein, quand même, hein. Mais c'est très sympa ici aussi. Moi, bah oui, bah, il faut. Voilà. Le but du jeu, c'est de se marrer, comme dans ton spectacle, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, justement, on a une épreuve. Là aussi, c'est une épreuve pour se marrer. Oui, c'est l'épreuve de la photo mystère. C'est une épreuve tout court. Nous confions chaque semaine à Maurice une photo mystère qu'il va essayer de vous faire deviner en vous donnant des informations capitales. Oui. 10 secondes. Il n'a absolument pas le droit, bien sûr, de prononcer le nom de la photo mystère, le mot qui compose le nom de la photo mystère. Et il a également un mot interdit qu'il ne peut pas prononcer, car ce mot pourrait vous faire trouver très rapidement la réponse. Nous jouons à coup de... C'est dommage qu'on ne soit pas à la télé. Oui. Nous avons donc des chronomètres de 10 secondes. Maurice donne 10 secondes d'information à Bob. Il propose une réponse. Tu m'entends bien, oui. Ah oui, fais gaffe qu'on ne voit pas ta photo quand même, Maurice. Oui. Et c'est ce qu'on dit toujours à chaque fois qu'il monte ses papiers. Fais gaffe qu'on ne voit pas ta photo. Quand même. Et il y a outrage. Pour éviter que Maurice perde du temps. Il y a insultage. Hein. Parce que ce qui se passait au début, on s'est rendu compte que quand on envoyait le chrono directement en régie, Maurice perdait du temps pour démarrer, etc., et qu'il bouffait 5-6 secondes de ses 10. Alors maintenant, c'est lui qui envoie le chrono. D'accord. Donc Maurice, quand tu veux, et là, c'est pour Bob. Attention, alors, concentre-toi. Concentre-toi bien, Bob. Je me concentre. Top. C'est un animal à 4 pattes. Oui. Ah bah. C'est un sacré indice. Oui. Qui vit dans la nature. On est bien avancé. On est bien avancé. Oui, t'as pas utilisé parce que 10 secondes. Mais attends, il a raison. C'est vrai qu'il y a des animaux qui ont pas 4 pattes. Et puis il y en a qui vivent dans des lessiveuses. Ils vivent pas tous dans la nature. Qu'est-ce que t'as comme exemple d'animaux qui ont pas 4 pattes? Un oiseau. Ah bah les oiseaux. Un oiseau. Un canard. Les 1000 pattes. Un canard. Une poule. Mais ça, c'est les oiseaux en général. Un chien. Non, il y a 4 pattes. Un poisson. T'as les poissons qui ont pas de pattes. Alors. Bob. Ah, le loup, allez. Non. Le loup, ça a quatre pattes. Non. Ah, alors là, maintenant, c'est pour et vous. Et sa vie dans la nature, tu vois. Et sa vie dans la nature. 10 secondes, Maurice, pour l'équipe des 10 minutes. La couleur est bonne, là ? Ah oui, oui, la couleur est bonne. Là, oui. La couleur de quoi ? Non, la couleur qu'il a sur la photo, là, c'est bien tiré. Ah. Alors. Stop. Ça a une couleur foncée. ça porte des cornes. Des cornes ? Oui. Ça porte des cornes ? Oui. Allez ! Ah bah oui ! Ah bah non, mais Bob, c'est déloyal ! Et donc, voilà. Ouais, là, c'est mais pour mais vous, là. Plaignez-vous, vous avez la couleur. On fait quoi, hein ? Foncé. Et là, ah, foncé, c'est pas une couleur. Et des cornes, il n'y a quand même pas non plus. Dans la nature, moi, j'irais plutôt, tu sais, le mari de la biche, là. Un cerf. Un cerf ? Bah, ok. Non, ça va, ouais, parce que le taureau, il vit pas trop dans la nature. Bon, ça dépend, dans les manades, si, mais vas-y. un cerf. Allez, un cerf. Un cerf. Non. Voilà. Ah, Bob. Alors là, 10 secondes d'information. Utilise tes 10 secondes entièrement. Si c'est un taureau. Capital, hein. Si c'est un taureau, je me tue. Non. Allez, Bob. On marque, on sait jamais. Non, allez, Maurice. Allez, Maurice. Stop. Alors, c'est un animal sauvage. Oui, ça en déjà. Ah. Qui est, je sais pas, C'est intéressant. Ah, c'est bien. Là, je sais que c'est un animal sauvage. Ah, non, déjà, oui, sauvage quand même. Qui a des cornes. Qui a des cornes. Qui vit dans la nature. Il vit dans la nature. Il est foncé. Il est foncé. Allez, un bouquetin. Non. Ah. Bon. Attention, alors 10 secondes d'information pour l'équipe des 10 Bob, minutes. Bob, tu ne le déstabilises pas, s'il te plaît. Non, mais là, il a aidé parce qu'il a dit effectivement qu'il pouvait parler de la taille et puis tu peux le décrire un peu, cet animal. Alors, stop. C'est d'une taille, une grande taille, haute sur pattes, qui a une barbichette. Ah là, vous avez plein de choses. Par rapport à Bob. Ah oui. Qui a juste eu une info. Une seule. Eux, ils ont eu cinq infos. Ça peut être un bison. Oui, un bison qui a une barbichette. Un bison. Oui. Un bison. Ah non, je croyais que tu voulais que je te fasse un bison. Ah non. Alors, Maurice. Non. Bon. Ah. Alors là, Bob, écoute attentivement pour une fois. Grande taille. Et écoute les infos. Grande taille, c'est pas terrible en mètres. Tu vois ? Je sais pas combien. Tu sais pas combien ça mesure. C'est un peu. Tu dis stop si alors, tu donnes des indices. Stop. Ça, la dimension, la hauteur d'une vache. Quand qui même. Qui a une panse assez large. Ah. Il pense. Assez là. Il pense, ça, Maurice. Il pense, c'est Maurice. C'est gras du bide. Voilà. Le yak. Ah. Pas mal. Non, c'est pas de la. C'est de la famille. Mais tu sais que quand le yak va faire ses courses, il prend un chariot. Ah bon ? Le fameux caddie yak. Oh là là ! Bravo. Là, je dois dire. Ça, que... c'est du Jean-Paul Dix. Ouais, exactement. Presque, ah bah c'est, il m'inspire, c'est ça. Il y a mâle et femelle, ça. Oui. Là, ah oui. Ah pour se reproduire, c'est en général. Non, il y a pas mâle. À part les hermaphrodites. Il y a que des. Oui, si, si. Alors. Avec des hommes, ça fait des maniaques. Stop. A une tête très allongée, un peu la tête d'un cheval. Ah. Qui a des cornes. Ah. Qui a des oreilles assez larges quand même. Ah, oui. Et là, vous avez les infos. Moi, je voudrais savoir. Là, vous êtes quand même. Moi, je voudrais savoir ce que c'est comme animal qu'un cheval. Je voudrais qu'on m'explique. Il ressemble à un cheval. Non, un cheval. Tête. Non, non, la tête. Qui a une tête de cheval. Un zébu, c'est une barbe ou pas un zébu, non ? Un zébu, je vois. Non. Début, ça peut avoir une barbe, un zébu. Oui. Je sais pas. Oui, moi, je dirais ça. Je dirais peut-être ça, moi. Oui, ça correspondrait à l'esprit tordu de l'autre imbécile. À l'humour de Bélo. À l'esprit tordu de l'autre imbécile. Un zébu. Non. C'est pas le zébu. Monsieur Bélo, vous êtes un pauvre type. Ah oui. Oui, oui. Oui. C'est fait. Alors, on ne sait pas où il vit. Ah non, et je peux pas le dire. Oui, oui. Il y a des 10 secondes qui sont partis. Il y a 5 continents sur la planète. Alors, stop. Bah oui, stop, c'est la fin. Sa vie dans le désert. Oui. Mais ça attaque. Ça attaque. Ça attaque. Ça attique. Là, là, là, là. Attique. Allez, Bob. Attique. Une vache avec une tête de cheval. Qui vit dans le désert. Avec une barbichette. Une vache avec la femme à Bob. Une vache avec une tête de cheval. La vache à barbe. Qui a une tête de cheval. Des grandes oreilles. Des grandes oreilles. Ah, Régine. Et qui vit dans le désert. Non, je crois que il faut que je gomme de ma tête le désert. parce que je pense pas qu'il vit dans le désert. Ah, oh, Bob. Je vais dire le buffle. Ah. Non. Oh, là, là, là. Bah non, le bison et le buffle, eh, c'était à peu près. Ouais, mais, ah, mais c'est pas le même animal. C'est pas le même animal. Allez, allez, là, là, là. Allez, Maurice. Tout ça, c'est des. Décris-le. Alors, stop. Voilà. C'est un animal qui a des genres de sabots, oui, d'un cheval. Comme un cheval. Oui. Oh, mon aîné, là. Oh, mon aîné, là. Bon. Là, alors, je dirais que c'est un cheval. Mais non, parce qu'il peut pas dire. Ah, il a pas le droit de le dire. Oui, ça a des sabots, je sais pas. Le yeti, je sais pas, une agricultrice. Mais réfléchissez tout ce qu'il vous a dit, la barbichette. Oui. Gros comme une vache avec une tête de cheval. Il y a quoi? Il y a une chèvre? Une chèvre, c'est chèvre. Mais une chèvre, c'est pas gros comme une vache. C'est petit. Si elle bouffe. Ou alors, c'est une grosse chèvre. On était prêt avec. On était prêt avec le yak. C'est pas loin du yak. Ah. Le yak, on est. Ah oui, tout à l'heure, il a hésité. Le yak, on était pas loin. Il a hésité au yak, il a hésité au buffle. Alors, c'est pas un bouquetin? Un bouc, tout simplement. Gros, bah, un bouc, c'est pas... petit, c'est pas grand comme une vache. C'est pas gros comme une vache. Mais faut pas prendre pour argent comptant tout ce que dit Maurice non plus. Dans le désert, en plus, dans le désert, y a rien dans le désert. Eh, ah, n'empêche, dans le public, y en a qui ont trouvé, hein. Oui. Bah oui, il vient de voir la photo, donc. Bah, dès que tu vois la photo, c'est beaucoup plus facile à trouver, hein. Le Yeti. Le Yeti. Le Yeti. Ah, oui. Le Yeti. Décris-le, sur la, comment il... Alors, vas-y. Stop. C'est pas moi. Alors. Sur, voilà. Le dos, il a une crinière. Oui. Oui. Allez, allez, allez. Ah, oui, une crinière. Oui. Riche-toi, oui. Mais... C'est tout. Non, mais je peux pas en dire plus. Mais ne t'arrête pas. L'hippopotame. Ouais. Ça a bien une tête de cheval. Bah oui. Non, hippo, si, hippo. Ce que tu peux dire, c'est quand il va boire, avec quel autre animal il boit autour de lui. Allez, stop. Allez. Il va boire dans une mare. C'est tout. Avec qui? Avec des zèbres. Non, des... Oui. Oui, des... les rayures, là. Oui, des zèbres. Les zèbres. Des zèbres, oui. Une antilope. Grosse comme une vache? Bah, ouais, bah, ah, bah si, il y en a des grosses comme une vache. Ah, bah, je sais pas. Ah, oui. Ah. Ça y est, je l'ai. Bah oui, ah. Bien sûr. Alors. Vas-y. Une antilope, on a dit. Non. Non. Alors, là, vas-y. Les animaux qui boivent alors, avec. Alors, les crocodiles qui boivent avec. Ils boivent dans une mare avec des animaux, le zèbre. Voilà, il se fait manger par qui? Par les crocodiles et les lions. Et les lions, voilà. Voilà. Le gnou. Le gnou. Le gnou. Oui. Oh, oh là, bravo là, là, là, là, là. J'aime tes gnou, j'aime tes gnou. Et le mot interdit. Bah, le mot interdit. Alors, attends, je mets un point pour le gnou. Et un point pour Afrique. Oui. Et voilà. Et oh là là là là. Bravo! Oui, on est sport, on est sport. Bon, alors Jean-Paul, l'émission n'est pas finie. Oui. Le pire est à venir. Comment ça, le pire est à venir? J'espère bien. Car Frédéric, en fin d'émission, ah, nous oui. Le sort. Ah oui. Ah, ouh là là. C'est pour te dire. Ah, le pire est à venir. Exactement. Mais enfin, je te rassure, c'est son petit quiz. Hein. Ah oui. D'accord. Je rassure aussi les auditeurs. Reste mais avec ils nous. Ils s'en foutent, c'est de la radio. Oui. On revient avec Jean-Paul 10. Ouais! Retour d'On va se marrer avec Jean-Paul 10. Bonsoir. Alors Jean-Paul qui est prêt à tout et tout, et justement, c'est le moment du petit quiz. Et là, il faut vraiment être prêt à tout. Oui, parce que j'essaye de faire chaque semaine un petit quiz qui a un rapport avec notre invité. Oui, c'est vrai. Et là, je dois dire que c'est particulièrement capillotracté. Allons-y. Notre invité s'appelle donc Jean-Paul 10. Oui. Oui. Et donc il va y avoir 9 extraits. Oui. C'est normal parce qu'il s'appelle Jean-Paul 10. Tout à fait. Et ce ne sont pas des chanteurs qu'il va falloir reconnaître, mais des titres de films. Ah. Qui ont dans leur titre un chiffre. D'accord. Ou un nombre. Très bien. Oh là. Ok. Et donc on a quoi? On a les extraits ou de la musique? C'est quoi de la musique. C'est les musiques. La musique de. Et on n'a pas les images. Non. Musique non. De film. Mais par contre le premier extrait, Bob. Ah, c'est le jingle. C'est le jingle. Bah. Et donc, allez, alors on note. Thank you. forsake me, oh my darling. On this our wedding day, do not forsake me, oh my darling. Alors, donc il y a 9 extraits, donc je rappelle pour Bob, hein, puisqu'il n'a pas compris le principe du jeu, ce sont des titres de films dans lesquels il y a un chiffre ou un nombre. Ah, c'est bien ce que j'ai marqué alors. Et alors, je vais faire, mon cher Philippe, ça va te rappeler des anciens souvenirs. Oui. Je vais faire comme Bob à une certaine époque, je veux les titres exacts des films, s'il vous plaît. Ah. Jean-Paul, tu en aurais trouvé combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 6 sur peut-être, 9, peut-être, mais je suis pas sûr. Hein. Bon, Maurice. Moi, 0. J'ai levé le pied. Oui. Non, t'as levé le coude toute la soirée. En fait. 7. 7. Ouh. Je suis curieux. Oh, je suis curieux. Là, j'en reviens pas moi-même. Je suis curieux de voir. Moi, j'en ai que 6. C'est pas vrai. David, t'en as combien? Oui, je lui ai parti. Bon, on va faire comme Maurice. On va la décomposer. Allez. Alors, priorité à l'invité, bien, oui, sûr. Bien sûr. Et je rappelle les titres exacts des films. Donc, Blanche-Neige et les Sept Nains. Oh. Ah, je l'avais, celui-là. Alors, j'ai 12 salopards. Non. Ah. Les 7 mercenaires. Ah. Bravo, Bob. Ah oui, il y a 2 fois le 7. Eh oui, Blanche. Ah, mais je l'avais barré. J'avais marqué 7 mercenaires, je pensais qu'il n'y avait pas 2 fois le même chiffre. Ah, si, si, c'est possible. Ah, ben j'avais marqué 7 mercenaires au début alors. C'est possible. Ah, je pensais pas alors. Pour ça, j'avais retiré. Itinéraire d'un enfant gâté. Oh non, plus vieux que ça. Non, j'ai marqué la Stragale, mais c'est pas ça, bien sûr. Tu pensais à la Strada ? Oui. Mais c'est du même réalisateur que la Strada. Oui, voilà, mais je trouve pas. J'arrive pas à retrouver, non. Maurice ? C'était bien un film de Fellini, c'était 8,5. Ah oui, c'est ça. 8,5. Bon, ça, c'est facile. Donc c'était Rocky, mais lequel? Rocky 3. Alors moi... Bravo Maurice. Bravo Rocky 3. Alors moi j'ai mis 4, j'ai faux alors. Ouais, c'est le 3. Ah, c'est dommage. L'œil du tigre. Ah, j'en avais 2 quand et même. Moi j'ai mis 4. C'était le 3. Le 4 c'était avec James Brown. Alors moi j'ai mis Rencontre du troisième type. Ah non. Quatrième dimension. Ah, c'était aussi extraterrestre, mais c'était pas le même. Bienvenue pour dîner chez Maurice. Alors, vous pénétrez dans la quatrième dimension. Alors, voilà. Le suivant est très difficile. Je peux juste non. vous dire que là. Ah bon? Pardon. Ah bah, je sais pas. L'invité d'abord. On peut. Je ne sais pas. Le train sifflera 3 fois. Bravo. Bravo. Moi, je dis monsieur du club. Ah oui. Si toi aussi tu m'abandonnes. C'est qui chantait en français? Ah, on a reçu sa fille dans l'émission il y a quelques années. Ah oui, c'est vrai, c'est... C'est John Williams. John Williams. Qui est mort l'année dernière. Oui. Michel Legrand. Voilà, ça, je sais pas. J'adore cette musique et... Une histoire de déniaisage. Allez, un été 42. Bravo. Ah oui. Ah bah oui. Exact. Mm-hmm. Bravo. C'est superbe cette musique. Je ne sais pas. Bah non plus. Bah, elle vient de dire le titre. Ouais. Ah, j'ai pas entendu. Et c'est Philippe, tu l'as, toi? Bah oui, c'est un James Bond. C'est un James Bond. Elle le dit, you only live twice. On ne vit que deux fois. Ah, on ne vit que deux fois. Oui. Et c'est qui chantait cette musique? Nancy Sinatra. Oui, ça Jean-Paul. Facile. Le titre exact du film. Oui. Le journal de la 5 par Jean-Claude Bourret. Non, je pensais que c'était le générique de l'heure de vérité à une époque, mais... L'heure de vérité, c'était un James Bond. Non, je ne sais pas. 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah, bravo. Oh, bravo Bob. Bravo. Bravo Bob. Alors moi je pense quand même, parce que vu le nombre de bonnes réponses qu'a dit Jean... T'as pas commandement. Parce que t'aurais reconnu la musique. Bah oui. Ah. Donc quand même l'invité a donné quand même un nombre de bonnes réponses considérable. Oui. Moi je pense qu'il mérite les applaudissements. Bravo. De merci à vous. Du merci. Merci. Bravo Jean-Paul. Excellent. Bravo. Ah, merci. Bravo. Excellent. Comment? Merci. Moi je peux me brosser. Pardon, excusez-moi. Et moi je vais me brosser. Ah, j'ai oublié j'ai oublié les acclamations de Don Salus. Ah bah quand même. Qui a préparé le jeu. Ouais. Ah, Don Salus. Monsieur est beau. FIFA, Don Salus. Dedans. Oui. La vieille dame là-bas, elle m'acclamait pas. Ah, je croyais, pourtant j'avais l'impression. Mmh. Alors, on arrive en fin d'émission. Ah. Les amis, le moment est compliqué car nous devons faire les scores, faire les totos. Et je dois dire que les congelés à mes dames à droite, Bob et Maurice, et son gnou, ont marqué ce soir 6 points. Bravo. 6 points. Bravo. Bravo. Ah non, c'est pas mal, hein. C'est mieux que 5. C'est mieux que 5. C'est merci. Enfoiré. Mais je dois quand même dire que vous avez été écrasés. Ah bon? Ah bah oui. Parce que l'équipe des 10 minutes a marqué 9 points. Ah bravo. Donc vous êtes pulvérisés. Ouais. 9 points, tu penses? Alors que Montebourg, il est pulvarisé. Mais il aime pas. Non. Alors il est, c'est le moment de remercier Jean-Paul, Maurice, quand même. Oui, on remercie Jean-Paul et si vous voulez venir l'applaudir, c'est tous les vendredis soirs au théâtre Le Bou, 6 rue Frochot dans le 9e arrondissement de Paris. C'est métro Pigalle à Paris. Voilà, parfait. Bravo, Maurice. Le site internet, c'est jeanpauldiz.com. Tout attaché. Et puis surtout la page Facebook pour te demander comme ami. Facebook Jean-Paul 10, voilà. Pour avoir toutes les petites infos tous les jours. Oui, ben ça je vais le dire. Et puis surtout Avignon l'été prochain. Avignon à la tâche d'encre, donc les 3 semaines tous les soirs à 21h. Moi je crois qu'on le rappellera. J'espère que l'émission sera diffusée d'ici là et on aura l'occasion donc de reparler de ce passage à Avignon l'été prochain. Merci encore Jean-Paul. Merci à vous. Merci de votre accueil, c'est super. Merci à vous. Bravo. Merci beaucoup. On va en profiter pour remercier Bob du club. Oui, à la semaine prochaine. Ah, si vous voulez bien. D'accord, bravo. Très bien. Merci bravo. À Maurice. Merci à vous. Frédéric Coster. Bravo. Ouais. Bravo. Davy pour la réalisation. Ah, ouais. Des choses importantes à noter. Si vous voulez réentendre l'émission, vous allez vous abonner au podcast sur iTunes chaque semaine. Si vous voulez les vieilles émissions, c'est sur onvasemarrer.com. Et puis sinon, la page Facebook de l'émission. Pour avoir la photo de l'invité. Ah, et des autres. Et des autres. Nu. Oui, aussi. Ah, oui. Ah peut-être. Ah, bah, oui. Et pas puis sûr. Aussi, surtout, en avant-première. Il fait trop froid. Il fait trop froid. Les blagues de Maurice qui reviennent sur la page Facebook. Et quelquefois, les blagues censurées qu'on met aussi sur la page Facebook. Ah oui. Merci de votre patience. À la semaine prochaine.